je suis en train de tester un truc, j'apprends. J'essaye de tester c'est du MIDI-Fi sur Reaper. Thank you. 4. Nous le faire tout à l'heure ton 4 sus 4. Thank you. batterie, lui, hein, je crois. Tu joues de la batterie, toi ? Jeune ? Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.